L'inconnu de Pérol, CD numéro 2. En plus de ses qualités d'anesthésiste, Samuel gérait ses finances avec intelligence, en homme avisé. Et il risquait de trouver le projet immobilier de Pascal aussi enthousiasmant sur un plan matériel que réjouissant sur un plan plus personnel. Je redescends là-bas la semaine prochaine. Tu as raison. Promène-toi donc un moment dans la maison, à la tombée de la nuit, et essaie d'imaginer ce que tu y éprouveras seul. Regarde le parc aussi. Tu comprendras vite qu'il faut y consacrer un temps fou ou beaucoup d'argent. J'apprendrai à jardiner, répondit-elle d'un ton léger. Quant à la maison, je m'achèterai un gros chien de garde. Tu es rassuré ? Pas vraiment. Et il ne le serait sans doute jamais plus, à partir du jour où Pascal s'installerait à Pérol, mais qu'y faire ? Papa ? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas. Quelque chose dont tu ne m'as pas parlé et que tu voudrais me dire ? Cet incendie a dû te laisser un souvenir épouvantable. Peut-être que tu ne... Effectivement, coupa-t-il. Je préfère ne pas parler du passé. C'est sans importance aujourd'hui. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser qu'il y a des endroits plus bénéfiques que d'autres. Pascal contourna le bureau et vint s'arrêter derrière son fauteuil. Elle lui passa les bras autour du cou, déposa un baiser sur sa tempe. « Mon petit papa, » chuchota-t-elle. Tout ce qu'il tentait pour la dissuader pouvait passer pour de l'égoïsme. Il en eut douloureusement conscience. Certes, il aurait préféré la garder près de lui. Néanmoins, il savait que c'était impossible. Et il ne voulait pas qu'elle le prenne pour un père despotique, étroit d'esprit, avant tout préoccupé de lui-même. Au contraire, il désirait la voir s'épanouir. Seulement Pérol était le dernier endroit du monde où trouver le bonheur. Elle s'appuyait de tout son poids contre ses épaules, et il devina qu'elle regardait la photo de Camille. « Allons dîner, » dit-il en se dégageant. Céder à l'émotion ne ferait que compliquer les choses. Il se leva, se tourna vers sa fille. Elle avait les yeux pleins de larmes, et ce magnifique regard sombre, voilé de tristesse, était exactement celui de sa mère. Il la prit par la main, trop bouleversée pour parler, et l'entraîna hors du bureau.